bande ko pa na corruption ya ba député ezane sike bande laki bolanda mutali boso ba corrompre ki nda inogire suite nyonso ya corruption bolanda Félix azana tante ya kozwa premier ministre maintenant basi wa pesi ba kombwa zo talango il voudrait vous faire voir vous qui pérorez ailleurs qu'il ne dirige pas il dirige à bloquer ango batia premier ministre tout le monde mutu moko apengenga na to na Gabon ça un ami à lobby mon frère excuse-moi de t'appliquer ce vocable vous avez une corruption bestiale et je profite par ce biais pour dire monsieur le président Félix ça là tout constitution est changée en 4 vote ya ba gouverneur ezala au suffrage universel c'est quel pays ça c'est quel bateau mutu asa commerçant baya pesi mbongo na bateau votez pour moi. Vous pensez, tant à côté de la députation, à comme président provincial, à comme soki secrétaire provincial, à y'a qu'on s'arrête là-bas, à qu'on récupère d'abord Mbongo na Yabi Misaki, Sima, à va dire qu'on l'a bénéfice. Ou à la population d'a qu'on y'a la population d'a qu'on souffre. Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Et par moment, je demanderai au président Félix de fermer des églises de réveil. Lokola Kagame Asalakiamo. Comment on peut monter une église à réveil de 8h à 12h à Zambela? Azoeb Sanzambenin. Si Dieu lui-même, il dit dans la Bible que vous allez me réserver un jour. Il y a l'obité, Zambo Salier, c'est chaque jour. Comment expliquer que maman n'a pas à quoi il y a l'église à Tikibana na cité Moko? Ces enfants vont avoir ce que nous avons appris en pédagogie, l'éducation diffuse. Rue Mouteko Boko la banque. Yo pasteur Zoïb Sabatou, Bokola là 21 jours, Balala 21 jours. Et chaque culte c'est un kabango mbongo. Il faut qu'on ferme, qu'on regarde qui a fait la théologie, qui ne l'a pas faite. Il a fait la théologie, bien sûr. Il a l'infrastructure normale. Ngakutu, monsieur le président Félix, église futa impôt. Et l'église, c'est la taxe va futaka. Des pasteurs sont des millionnaires aujourd'hui. Ponanini, oh l'église, ils sont les messieurs en Zambé. Alors, bah, zoko tisa ba marchandise banini ya bango moko ba zoko lia ye pasteur mwasi na bana. Et je profite par ce biais pour dire, monsieur le président Félix, ça là tout, constitution est changée en 4, vote ya ba gouverneur ezala au suffrage universel. Population est votak. Et puis, loi moko ebima, si le père est candidat député, le fils ne le sera pas. Tomoniawa. Papa député, moi na député, moi si député. Boli boyoko. Yo gani se va yende ko servir nini. Ba sali ba beti machine, ba sali calcul. $13,000 fois 3. Ba tali zaga nanda ko na biso. Mongo ebele ba dokota. $39,000. Nini ba ko sali ya malonga. Ko beta pongi na masolo. Qui sont pour, qui sont contre. Abstention. Le bon est à l'écolo. A éviter le bon ni mais le bon abstention. C'est quel pays ça? C'est quel bateau? C'est quel bateau? Moutoua ça commerçant. Aya, pèche mbongo na bateau, votez pour moi. Vous pensez, tant à côté de la députation, à comme président provincial, à comme soki secrétaire provincial, aya, qu'on s'arrête là-bas, non? À récupérer d'abord Mbongo na Yabi Misaki, Sima, Abadiko Luka, excusez-moi, bénéfice. Ou à la population d'Akonyon, quoi, population qui souffre. On a proposé député à l'égard $1,500. Tout le monde a dit qu'il y a là qui est comme ça. De toutes les façons, un général a $200, général, député a 13 000. Yanini. Je m'adresse à mon aîné. Félicitations, n'a voté yo. Mouye, je m'en gagne, mans, n'a pas là-bas. Mais n'a pas eu souhait, n'a pas eu cela qui me. Le gouverneur Mouye, a comme ministre intérieur. Ministre national, il y a intérieur. Vieux, Luka Bakti a eu place, toi, nos Iraki en obient. Oyebi bien, pe oyebi bien mboka ndenge zo fonctionner. Venez ici, tika lola baba dirigeant ngola muntu mususu. Tu as déjà donné le ton, tu as arrangé les choses, ya kalabor o arrangé. Je connais les compétences de mon vieux. Par moment même diplomatie non ndenge za la kabiso to yebi bien. Ba tu as ta ministre ya affaires étrangères, coopération biloko ndenge wana. Tika na province, ba mususu va continuer, ya ka aider sikoyo nation. C'est très important. Notre corruption, Moutoumoukwa Bengana na Gabon, ça y est, ami à lobby. Mon frère, excuse-moi de t'appliquer ce vocable. Vous avez une corruption bestiale. Abi, corruption n'a pas de nyama. Aujourd'hui, yo député, t'as le niveau yabo nyama oyo to la kisi na population. Soye ba voza député. C'est-à-dire, tu auras $13,000 le mois. Mais vaso corrompre on a $5,000. Est-ce que zamoutou? Est-ce que vraiment zamoutou? Pas corrompre de $5,000. Pour voter gouverneur. 5 000. Est-ce que vous avez moutou, yo, vous avez moutou? Attention, ma pêche, 10 000. Est-ce que vous avez moutou? Parce que dans 2 mois, tu as $26,000. Non, monsieur le président Félix, un an après Boma, Parlement, Oyo, travaille avec les secrétaires généraux, Ogolukaba, commissaire spéciaux, au travail na Bango, Logolo bloqué par Makambouana et Premier ministre. C'est ça que je voulais dire aux gens. Quand il ne dit, il n'accepte pas, il n'y aura rien. Félix, Azan a tenté à vous appeler ministre maintenant. Basi va pêcher Bakombozo Talango. Il voudrait vous faire voir, vous qui pérorez ailleurs, qu'il ne dirige pas. Il dirige à bloquer Ango. Basi va appeler ministre tout le monde. Même Assemblée nationale, au Sénat, il n'y a rien qui va dépasser le président Félix. Cessez de souffrir. Nanini, politique, il y a beaucoup de pratiques 5 ans. Oh, Assemblée, il y a un contrat. Quand il y a un silit, vous allez venir faire vos bêtises là après. C'est comme ça que ça va se passer. Bah, champion en corruption, ça peut perdre. Talaka ndenge basa ko sala campagne ba pesa batu mbongo ba ya ko tonda na stade. Est-ce que mentalité no esili? Il faut réfléchir. On a habitué la population à la corruption. Alors na lingi bolanda réflexion. Mbutamuntu Fayulu Matiti a gagné les États-Unis pour contrecarrer Félix. Aujourd'hui, on va la population ndenge au contrecarrer au comme président de la République. Nase ozako luka bayamba yo bosolo la. Nalo bien, na bino bato la mukango. Vous êtes des Congolais comme moi. Bon, on a l'aventure, on a besoin de wa, tout ça, les locaux à Malonga. Pour nous, nous avons eu le temps de faire. D'abord, nous avons eu le temps de faire. Nous avons eu le temps de la population. Bina, bina, abini, pe. C'est quel genre de président de la République qui a commis? Bina, bina, abini. Un président, oh, président élu, Bina, bina, bina. Bazuye joué. Tous les moments, il mange mouke. Il y a bande konabiso basala ki ango. Oye ba pesi, Fayulu conseil pour nako bina. Tolanda. Nangina bisa Fayulu boy. Vous savez, dans la vie, il faut savoir ce que l'on veut. dans la vie, il faut être conséquent. Vous ne pouvez pas hier soutenir Chilombo, leloyo okomiko vilipande Chilombo Mutomabe, Chilombo Ebi et Lokomogote. Mais yo oponaka Chilombo Premier ministre, oponaka ye contre Mubak, valeur yo trouvaka na Chilombo, yebisabiso yango lelo. Yebisabiso yango lelo. Yo koboye asiko ye natina nini. Po azala kande candidat na yo. Il paraît même que Genève, c'était votre candidat en plus. Donc, il faut assumer Makambo Zaliko Sala. Il faut assumer Yango. Kobinaka binaka tendenga na komi komona oza kobinaka. Il faut aussi sa makamunyo soana. Le Congo n'a pas besoin na badanse na bayembo wana. Bouti Kolanda, notre cher aîné, politicien makashi, Bato Bazali Pembeni, il était le conseiller politique à Étienne Tshisekedi. Le feu, papa. Nazoko senga na Fayulu boye na ba militant na yo na ba combattant na yo. Bilo ba combattant surtout. Loko la gangi makasi kaka ganyaki aya ganyaki ganyaki. Nous préférons à publier résultat. Oya senga kana seni bureau par bureau. Province par province. Yo Fayulu publié kaka na journal tomona. Ozo seka ba musuba komande nini. Yangono kendenge na cour constitutionnelle, ba lobi pesa preuve zati. Yo sikoyo, soko boya ki na cour constitutionnelle te sikoyo yo loué ba journaux za ebele. Baba ndoko bimisa chaque jour ba bureau soki 20, soki 30 tokotanga. To yebi couleur ya PV. Toyebi modèle ya PV. Yo bimisa, toyeba, soki ya solo, makambolo bakawana, oganeki wapi. Bimisa yango, ezaka malobozo yebisa bato, oh, ma, je gaya, je sesi, batuni, oh, yebisa senkwa pesa, oh, yebisa nanga bungisi PV nangai. Donc nanga yake pana yo nandako, aya azuba PV na bungisi yango. Boni ba PV ya batu mususo yeza partout, baza nango tilelo, ya yo nanga yake pana yo, alala ke pana yo, abata mimvula, Zogo tango vule sili, abimina pepe na yaki minango. Boni boyoko, batongo ba Orlando ba ande nini. Bande kopo na korupsyon. Ya ba depute, eza nesike bande laki. Bolanda mutualibo so ba akoromprake, nda inogire suite nyonso ya korupsyon. Bolanda. Une question d'un auditeur. Ouais, vite fait, parce qu'on a que une minute. Vite fait. D'accord, juste ouais. Une question. Il demande... pourquoi aviez-vous voté pour Kimbuta en 2007? Mais ça, c'est des gens qui font la distraction. Écoutez, aujourd'hui, okay. Ça c'est... Mais pourquoi les députés de... Enfin, c'est une distraction, une totale distraction. Ok, bien. Totale distraction. C'est, merci. Ça sont des bêtises. Des gens qui ne comprennent absolument rien. Il faut qu'ils comprennent que la vérité, c'est la vérité. La justice, c'est la justice. Le peuple congolais est souverain. Tshisekedi ne fera absolument rien parce qu'il aura la résistance. Bon, il y a une question qu'on va poser. Mouto va corrompre qui a l'ibosso. A zangé réponse à Kopesa. Ce que vous avez dit, l'anine. Bo Panzana, Boya Sima ya président Félix, c'est le véritable président. Olé na tchèle bino image, ya Amérique wana, lokolo bozana maloba karma bena munoko. Boya kufinga nga lisusu, te, le véritable, démocratiquement, véritablement élu. Na Afrique centrale, depuis Afrique centrale et Banda, Félix, nous devons être fiers. Vraiment fier. Merci.